Dieu, je vis encore. Il est donc vrai, la vie comme un serpent s'est glissée dans mon cœur pour le déchirer de nouveau. Mais si ce perfide poison a trompé mon désespoir, comment ai-je pu résister à un pareil songe? Comment n'ai-je pas été brisé par les étreintes horribles de la main de fer qui m'avait saisi? Ce supplice, ces juges, ces bourreaux, ces soldats, les clameurs de cette populace, ces pas graves et cadencés tombant sur mon cœur comme des marteaux de cyclope, et l'inexorable mélodie retentissant à mon oreille jusque dans ce léthargique sommeil pour me rappeler son image effacée et raviver la souffrance endormie. La voir, l'entendre, elle, ses traits nobles et gracieux défigurés par une ironie affreuse, sa douce voix changée en hurlement de bacchante, puis ses cloches, ce chant de mort religieuse et impie, funèbre et burlesque, emprunté à l'Église par l'enfer pour une insultante parodie. Et encore elle, toujours elle, avec son inexplicable sourire, conduisant la ronde infernale autour de mon tombeau. Quelle nuit, au milieu de ces tortures, j'ai dû pousser des cris. Horatio m'aurait-il entendu? Non. Voilà encore la lettre que je lui avais laissée. S'il fut entré, il l'eût prise. Pauvre Horatio. Je crois l'entendre encore si calme et si tranquille. Hier à son piano, pendant que je lui écrivais cet adieu suprême. Il ignorait les déchirements de mon cœur et ma funeste résolution. Et de sa voix la plus douce, poète insoucieux des passions cruelles, il chantait sa ballade favorite.